Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey, ben ritrovati con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, e ben ritrovati dal sottoscritto che per la prima volta dall'inizio di questa nuova stagione è ai microfoni. Torno ai microfoni con questa puntata, che è una puntata in cui racconteremo una di quelle storie che forse non ci piacerebbe raccontare, non vorremmo veramente raccontare, perché è una pagina scura, una pagina drammatica della storia dell'Europa, ma è una data, quella del 17 ottobre, che deve per forza entrare nel nostro calendario civile, perché forse per l'ultima volta sul terreno di una grande città europea, la città è Parigi, si consuma una tragedia gigantesca. Si parla di 200 vittime ammazzate dalla democrazia. Stiamo parlando del 17 ottobre del 1961, la Nuit Oubliée, una notte in cui lavoratori e lavoratrici d'origine algerina, francesi e musulmani d'Algeria, come venivano detti secondo la definizione dell'epoca, scendono in piazza per protestare contro un coprifuoco che non ritengono giusto. E come ai tempi della Comune, quasi 90 anni prima, vengono colpiti duramente dalla polizia e i loro corpi vivi, in alcuni casi, buttati nella Senna. Tutto questo nel silenzio di una città chiusa dal coprifuoco, tutto questo nel silenzio di una città che sembra non accorgersi di una brutale repressione a danni di lavoratori e lavoratrici, anche di marca razzista. A ricordare quelle morti, il giorno dopo, il 18 ottobre, una scritta che campeggiava su un muro dell'Île Saint-Louis: «Ici, on se noie des Algériens», qui si annegano degli algerini. Oui, j'ai juré de rester la même. Mais qui suis-je? Les hauts, les bas, montagne russe affective. Tension interne, mais je dois guérir sans s'avouer à périr avant la fin du périple. Dans ma dérive, j'ai touché l'infinité. Je suis morte en silence et j'ai lutté dans la dignité. J'ai fait les choses par conscience, d'en bas, j'ai fait les choses par amour. Ce qui en découle ne m'appartient pas. Compte seulement l'instant présent, c'est ce que la vie m'a enseigné. Oui, demain, c'est comme un autre monde. Demain, rien n'est plus sûr. Le poids du monde sur les épaules. Une époque qui veut éradiquer le futur. Humanité du dernier round, eu à l'usure, alors c'est ça que sont devenus les descendants des sages. Aveuglés par ce qui brille, on ne peut voir les présages. Peu importe qu'on me comprenne ou pas, je fais passer le message. Le passé n'est plus, oui, tout devient chimère. À la mémoire d'hier et de tous ceux qui nous quittèrent, j'ai dégringolé, ravin, soir d'hiver. Depuis, ne s'en libère que le parfum de mes prières. J'ai noirci des pages de grief, de larmes et de rage. Alarmé, société ou armée de lâches. Incarné, j'ai voulu toucher les étoiles. J'étais pas prêté, je crois que je me suis plus que brûlé les doigts. Alors je suis parti affronter mes peurs à la belle étoile. La nature m'a guéri parce que je suis resté pieuse, seul avec moi-même, à regarder la danse des constellations, à méditer pour apaiser ma peine. Parce que société est perverse, t'écrasera si tu te perds, te regardera de haut, du haut de sa basse, et ce de merde. Mais où on va si même les gens qui s'aiment se taisent, se détestent, se jugent et se vendraient contre un peu d'espèce? Je désespère pas, je sais que tout part d'un éclat éclair de conscience. Non, j'obéis pas à un état. À l'heure où s'accélèrent les sortilèges des CRS qui fracasseraient même un cortège de veuves et d'orphelins. Je suis né dans ce monde en le dénonçant, je m'attire les foudres parce que je chante son effondrement un peu seul contre tous. Je suis né dans ce monde de béton dans ce mitard, né comme toi sous les néons glauques d'une salle d'hôpital. Bienvenue ici, Basile, grandeur nature. Communication hertzienne, pour se faire entendre faut brûler des voitures. Alors j'ai créé entre les lignes et les ratures, entre la lumière et la brume, entre le soleil et la lune. Car j'ai grandi trop vite, je rejette la vie d'adulte. Et comme j'ai vu à qui profite la merde, j'ai épousé la lutte. Toi qui es parti marcher tes rêves, je te salue. Éternel, éphémère, ce qui était ne sera plus. Sors de ta rue et vois le monde qui t'a vu naître. La force est infinie comme l'univers ou l'âme humaine. Préserve ton esprit, les médias c'est l'âme du règne. Ceux qui accusent l'incendie sont souvent ceux qui l'allumèrent. Enfant de la lumière, sors de la cage intime. Aucune cause n'est perdue, aucune prière n'est indigne dans nos têtes. Le monde s'imbibe et s'imbrique, ça voyage en un clic. Babylone n'est qu'un crime ici, tout a un prix. Même ceux qu'on n'achète pas, frangin, y'a pas que les stars. Sans Malescar, on est esclaves là. Terre est grande, pourtant on n'a pas assez de place, monde bestial. Alors on se noie en regardant l'espace. Car ce car, BDM au jour le jour. Car on ne sait pas de quoi sera fait demain. Souvent les chemins se séparent. Héritier du venin, mais on ne souille pas le cristal. Au Quetzales, nous sommes les plumes qui racontons une autre histoire. Héritier d'une parole, d'un esprit ancestral. Malgré les interférences de l'époque. Partiamo non, dall'anno, l'anno è il 1961. È un anno veramente strano. La guerra d'Algeria, che ha scosso la Francia a partire dalla fine degli anni 50, sembra giungere a un termine finalmente, anche se il presidente Charles de Gaulle è stato richiamato al potere di fatto da settori dell'esercito e dai sostenitori dell'Algeria francese, ma anche de Gaulle si è reso conto che oramai è troppo tardi. Restano le trattative da fare con il governo provvisorio della rivoluzione algerina, il GPRA, l'organo politico che guida l'azione del Fronte di Liberazione Nazionale, l'FLN, sulla l'eventuale presenza di basi militari, sulla gestione delle risorse energetiche del Sahara, ma poco di più. Allo stesso tempo De Gaulle però non vuole presentarsi debole a queste trattative, per cui in Algeria si presenta col muso duro e organizza, fa organizzare dall'esercito dei campi di raccolta della popolazione all'interno, nelle montagne. L'idea è quella di separare i combattenti indipendentisti dai contadini che avrebbero potuto dare loro la solidarietà. Questi campi di raccolta li potremmo chiamare tranquillamente campi di concentramento. Ma se De Gaulle non ha intenzione di presentarsi debole alle trattative, lo stesso obiettivo viene perseguito dalla controparte algerina. L'FLN, che a Parigi era organizzato in una federazione a sua volta suddivisa in due vilayat, due strutture atte all'azione armata, avevano deciso che occorreva fiaccare l'avversario portando la guerra in casa sua. Per cui gli anni del 1960 e gli anni del 1961 sono due anni in cui la Francia inizia a bruciare, esplodono bombe, ci sono attentati, attacchi a caserme e omicidi mirati di poliziotti. Naturalmente in tutto questo immaginiamo Parigi, una Parigi scossa da questi attentati, da questa violenza. Dobbiamo immaginarci che la polizia non resta con le mani in mano, fra virgolette, e decide di rispondere agli algerini. E vengono iniziati a praticare degli arresti, dei controlli mirati nei confronti della popolazione algerina, i cosiddetti control o facies, ovvero sia per tratti somatici. Chiunque possa sembrare un algerino viene fermato e viene controllato. Si procedono a degli arresti e iniziano a circolare all'interno delle periferie, quindi nella banlieue, nei comuni dove abitano gli operai algerini che sono emigrati in Francia, testimonianze di torture, arresti, anche di esecuzioni sommarie, comportate avanti dagli archi, le truppe ausiliare di algerini collaborazionisti, diciamo, e la gente inizia a sparire. La situazione a Parigi è pesante, è pesantissima. Si respira un'area di conflitto in ogni quartiere, in ogni strada, all'uscita delle fabbriche. La situazione non può che peggiorare, perché alla guida della polizia di Parigi viene nominato Maurice Papon, un prefetto che si era fatto le ossa, diciamo, nella regione di Costantina, in Algeria, quindi aveva già guidato la repressione sul territorio d'oltremare. Ma chi è questo Papon? Maurice Papon emerge in questa storia come il cattivo per eccellenza. È un funzionario che ha attraversato il regime di Vichy e si ritrova allo stesso posto all'interno di del potere repubblicano. È quello che si dice la continuità dello Stato. Inizia la sua carriera come giovane funzionario negli anni del Fronte Popolare, millantando anche di essere di simpatie radicali socialiste. Poi diventa segretario generale della Gironda durante il regime di Vichy e lì si distingue nella collaborazione con i tedeschi, in particolare per essere la mente di cittadini ebrei. Dopo la guerra sfugge alle epurazioni, conosce una carriera in ascesa e riesce addirittura a guadagnarsi una decorazione come combattente per la liberazione. Papon viene atteso dalla polizia. La polizia ha deciso che non può rimanere con le mani in mano. Il governo di De Gaulle si sta dimostrando decisamente troppo debole. Papon onora queste promesse. Nel corso dei funerali di un agente di polizia ucciso dall'FLN,

Per far fronte a una situazione che è diventata incandescente, anche l'FLN decide di cambiare tattica, chiedendo ai suoi militanti, ci sono delle circolari che lo testimoniano, che si possono trovare in archivio, di fermare la campagna di attentati e di organizzare per il giorno del 17 ottobre una protesta pacifica contro il coprifuoco. Alle manifestazioni avrebbero dovuto partecipare tutti gli algerini di Parigi e della banlieue, uomini, donne, vestiti il meglio possibile, a festa, senza portare alcuna arma addosso, se con la consegna specifica di andare in corteo verso il centro senza accettare alcun tipo di provocazione, mantenendosi pacifici. Per essere sicuri che la marcia fosse pacifica, all'uscita di alcune bidonville vennero addirittura organizzate delle perquisizioni da parte dei militanti dell'FLN, anche loro privi di armi. Il risultato fu che i cortei non partirono affatto. Gli algerini che arrivavano in metro venivano immediatamente fermati e condotti verso i centri di raccolta, dove invece partirono. I cortei vennero bloccati dalla polizia, che aveva ricevuto il preciso ordine di sparare a vista. Signor, aide mes pensées à raisonner correctement. Ce monde veut m'enseigner la peur et de A à Z me ment. Je te cherche en mon âme en essayant de la connaître. Ma mémoire veut accroître mon mal en l'insufflant sur ma comète. Plus j'avance, plus j'affronte mes résidus tristes. Me retrouve à lutter contre mes pulsions autodestructrices. Oh mon Dieu, Seigneur des seigneurs, roi des rois, éternel créateur, tes commandements seront mes lois. Parle à mon âme, envoie-moi un ange quand je me perds, un signe, un présage, des éclats de pétales dans leur jeu de pierre, du libre arbitre, mon espèce se retourner vers le démon, et mon espèce me dit folle lorsque ce fait je le dénonce. Fixe siècle de torture, le cérébral spécule ordure, le matériel n'est qu'illusion, la connaissance, la vraie fortune, non pas leur connaissance tordue, mais l'immuable que rien ne corrompt, nourriture spirituelle pour mieux ranimer la colombe. Seigneur, aide mon âme que ce monde voudrait voir perdu, car j'ai refusé de la vendre pour accéder à la vertu. Mes frères planent dans le doute, donne-leur la force de rester droit. La sagesse m'a dit connais-toi, pour voir le ciel faut rester toi. Ce monde blasphème, la foi considérée comme futile par ceux qui ne voient pas tes signes, ne discernant pas le subtil, mais voudraient donner des leçons aux serviteurs de ta lumière, ceux qui savent que demain sera sûrement ce qu'on a vu hier. Je ne suis qu'une âme égarée, mais réceptive à ton amour, alors je t'en prie éclaire-moi. Ce monde veut me mettre dans un moule, se fout pas mal de nos désirs, ceux du cœur, pas de l'ego, alors j'agis avec amour pour me l'entendre dans ton écho. Seigneur, sois de ma colère, elle est la faille de tous mes mots. J'ai trop mémorisé le mal et elle ressurgit dans mes mots. Accepte mon humble repenti sur la route que j'arpente. Reste près de mon âme, je t'en prie, comme lorsque je remontais la pente. Seigneur, guide mes pas, peu importe ce qu'il advienne. Donne-moi la force d'avoir la foi chaque jour plus que la veille. Réchauffe le cœur de ceux qui souffrent, toi qui souffle la vie. Que ton soleil puisse éclairer nos lunes quand s'ouvre la nuit. Réconfort de ton amour, l'enfant seul et malheureux. Protège ces peuples courageux qui survivent les larmes aux yeux. Guide mon espèce à faire la paix avec la création, à faire la paix avec les siens et à chasser l'aliénation. Seigneur, fais comprendre à l'homme que son prochain est son frère, que toutes nos cultures différentes sur le globe sont une richesse. L'homme s'est construit un monde inhumain, écrasant les gens simples. Éclaire le cœur de nos bourreaux pour qu'ils puissent devenir humbles, qu'ils puissent voir avec le cœur, pas avec l'ego ni la tête, afin de plus jamais oublier qu'on est les gardiens de la terre. Que le poids de nos karmas redevienne plume et que les rayons indigo de nos soleils puissent percer cette brume. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Le immagini di quella serata drammatica che doveva essere una manifestazione pacifica contro il coprifuoco sono poche. Ci sono le foto che il fotografo Elia Kagan era riuscito a prendere alla metro Concorde, e queste foto ci raccontano di algerini feriti alla testa, di altri che già all'interno della metro erano stati uccisi. Il resoconto di ciò che successe dopo le fotografie di Elia Kagan lo possiamo solo immaginare, e lo possiamo immaginare dalle testimonianze di coloro che riuscirono a tornare alle proprie case, e lo riusciamo a sapere dal numero di cadaveri che vennero ripescati all'interno della Siena nei giorni successivi. Il bilancio di questa giornata o di questa nottata fu talmente drammatico e chiaro da spingere i giornalisti di tutte le testate a recarsi a cercare informazioni, ma regnava il silenzio e le testimonianze erano confuse. Il numero dei morti effettivamente lo riusciremo a sapere grazie alle ricerche dello storico Jean-Luc Einaudi solo alla fine degli anni 90, quando lui si mise a contare sistematicamente i morti che vennero ripescati nella Siena. Ciò che lascia attoniti di questa giornata, quella del 17 ottobre 1961, non è soltanto il drammatico numero di morti che arrivò a contare questa repressione brutale. Ciò che colpì e ciò che colpisce tuttora anche noi è il silenzio. Un silenzio diffuso, silenzio da parte dei partiti di opposizione, i partiti della sinistra, che non cercarono di ottenere la verità anche di fronte a un silenzio così grande. Stupisce il silenzio delle organizzazioni sindacali, che non vedevano tornare a casa e al lavoro i propri iscritti, e quando li vedevano tornare li trovavano feriti, anche se alcuni furono i delegati della CGT i primi a recarsi a Vincennes alla ricerca dei propri compagni d'officina. Colpì il silenzio di molti lavoratori, in particolare quelli dell'azienda municipale di trasporti, la RATP, l'azienda dei trasporti di Parigi, che portarono con i loro mezzi algerini feriti e massacrati nei centri di raccolta. Quello che colpisce soprattutto è la storia di questo massacro avvolto nel silenzio che ancora, più di a 60 anni di distanza, viene reclamato come un crimine di Stato, ma ancora non è stato riconosciuto come tale, perché evidentemente in Francia a tutt'oggi esistono cittadini di serie A e di serie B. Con questa dura storia vi saluto. Buon proseguimento di giornata a tutte e tutti da Frey. Ciao e alla settimana prossima. Ont baissé les bras, et trop de cistas sont en pleurs, trop de gosses ont perdu le sourire et trop de parents ont peur dehors, trop de jeunes finissent comme et ou voleurs, la vie truse, la déteste, car elle m'a pris trop de frères et sœurs, où est ma fratrie, batterie, quand ça tape comme une batterie, trop pète les plans, finissent en zones ou en psychiatrie, une pensée pour vous, que Dieu vous fasse tenir debout, gardez la force et la foi, sachez que mon cœur est avec vous, et je dis aux grands dehors, arrêtez de faire les cons devant les petits, mais merde, dites-leur, comme être enfermé, ça peut traumatiser ta vie, dites-leur aussi, que les vrais c'est ceux qui savent dire non, que les vrais c'est ceux qui sont eux-mêmes, et qui ne suivent pas les moutons. Ouais, dites aux mômes que la fumette c'est marrant quand on commence, mais moins quand on veut arrêter, car comme toute drogue y'a dépendance. Si tu gères pas, elle peut paralyser ta vie. Wesh la famille, faut qu'on soutienne et qu'on avance loin de la bille. On s'en sort tous ensemble, alors vas-y, fais passer le mot. Trop de galères, pression de drogue et de mort jeune. C'est trop, ça s'arrête, alors je le crie dans mon mic. Faut qu'on s'entraide dans nos rues, car on est tous enfermés dans le même sac. On s'en sort tous ensemble, alors vas-y, fais passer le mot. Trop de galères, prison de drogue et de mort jeune. C'est trop, ça s'arrête, alors je le crie dans mon mic. Faut qu'on s'entraide dans nos rues, car on est tous enfermés dans le même. Si mes frères s'entretuent, mes frères sniquent entre eux. Trop d'énergie perdue, car on a tous trop de rage au ventre. Ça rentre, ça sort, aller-retour entre rue et tôle. Les petits matzas, et croient que la street est une pure école. Les dures épaules se forment en tenant chaque mur. Mais dites-leur qu'à jouer les durs, les cœurs viennent prisonniers de cette armure. Et dites incassable, comme dit Gonzo, chercher la paix. Ensuite c'est comme chercher une poussière dans un tas de sable. Les frangins viennent, prisonniers de leur propre rôle. Certains guettent le moment opportun, dit que les autres rôles. Les mères craquent, ne comprennent plus ce que certains s'amusent à appeler notre putain de génération perdu, le quotidien perturbe, car il est tel un tourbillon dans lequel combien de mes frères seraient prêts à tuer pour le million, hein. On a perdu de vue notre véritable ennemi qui lui se réjouit à la vue de notre autodestruction. Faut qu'on s'en sort tous ensemble, alors vas-y, fais passer le mot. Trop de galères, prison de drogue et de mort jeune. C'est trop, ça s'arrête, alors je le crie dans mon mic. Faut qu'on s'entraide dans nos rues, car on est tous enfermés dans le même sac. Faut qu'on s'en sort tous ensemble, alors vas-y, fais passer le mot. Trop de galères, prison de drogue et de mort jeune. C'est trop, ça s'arrête, alors je le crie dans mon mic. Faut qu'on s'entraide dans nos rues, car on est tous enfermés. Mais dans le même sac, faut qu'on s'en sort tous ensemble. Alors fais passer le mot. De Marseille jusqu'à Paris, partout, toutes les villes, partout, toutes les rues, partout, les quartiers, partout, faut qu'on soutienne, car on est tous enfermés dans le même sac. Et on a perdu de vue notre véritable ennemi. Frangin, frangine, quoi, on fait partie du même camp. Unité, pas oublié. Ok, Kenny Arcana, la Rabia del Pueblo, la Cachita, Size. Systématique, réelle fiction, arrache du peuple, faut qu'on s'en sorte tous ensemble, alors fais passer le mot.